de ce jour improbable, de ce jour indésirable, où tes larmes coulaient, où tes larmes dansaient, sur ton visage pâle, sur la tombe de son âme. Cet amour inconsolable, cette douleur insaisissable, ces cris de l'intérieur comme l'ivresse et la peur. Aujourd'hui tu sembles muette face au désarroi qui te guette, mais le temps sera pour toi un allié de choix. C'est la vie qui nous mène, c'est la vie qui nous promène, d'illusion en illusion, de souffrance en émotion. Et cette richesse qui va naître de ta solitude, d'un amour oublié, d'un amour égaré. Mais c'est le tango des gens, une ivresse qui s'achève, l'amour se désagrège. C'est la danse du vent, un souvenir qui s'envole, l'esquisse d'une idée folle. C'est le tango des gens, c'est la danse du vent. C'est le tango des gens, c'est la danse du vent. Le tango des gens. Et le temps est passé, et les larmes ont cessé. Mais à te revoir si seul, je suis sorti de mon linceul. Je me suis approché, doucement à pas feutrer. Je voulais te revoir, et peut-être tout savoir. Des mots qu'il te disait, de la vie que tu menais, des coups qu'il te donnait, des autres femmes qu'il voyait. Mais c'est le tango des gens, une ivresse qui s'achève, l'amour se désagrège. C'est la danse du vent, un souvenir qui s'envole, l'esquisse d'une idée folle. C'est le tango des gens, c'est la danse du vent. C'est le tango des gens, c'est la danse du vent. C'est le tango des gens, c'est la danse du vent. C'est le tango des gens, c'est la danse du vent. Le tango des gens.